Alors vous savez, le passage aujourd'hui, c'est la suite du dimanche. Hein. On est dans 1 Pierre, chapitre 1, à savoir. Il se rit, Bernard. On s'est arrêté où dimanche dernier? 9. Philippe, il a fait 9 versets. Il avait plus de boulot que moi. Donc ce matin, 1 Pierre 1, et versets 10 à 16. Ça va? Vous regardez les premiers versets, parce que relisez un peu les derniers, on parle de notre héritage, notre salut. Parce que si on n'a pas ça en tête, alors on ne comprend pas forcément les versets 10 et 11. Alors on lit. Ça va? Moi j'ai la version NEG. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé ceux qui vous ont prêché l'Évangile. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une pleine espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Christ reviendra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alors. Okay. Donc, j'ai mis très courtement trois points. Parce qu'il y a à peu près trois. J'ai trois morceaux, on va dire. 10 à 12, verset 13 à peu près, une sorte de charnière, et 14 à 16. Pourquoi? Parce que au début, bon, les versets 10 à 12, c'est un peu le début de la suite de ce qui était avant, donc je peux pas trop le séparer. Et après, on entre dans une autre séquence. Paul continue son plaidoyer qu'il a commencé au début du chapitre pour montrer au lecteur quelle chance et quel formidable avenir ils ont en Christ. Ça, on l'a vu. Il continue de développer son thème au début du chapitre, le salut en Christ qui fait notre joie. On a vu avant l'héritage qui lui est attaché. Mais il donne aussi des indications quant à la manière de vivre à la hauteur de ce salut malgré l'épreuve et la souffrance. Ça aussi, on avait vu. Et il le fait avec plusieurs impératifs. Quand vous lisez la suite, tout le chapitre 1, même le début du chapitre 2, verset 13, espérez cette espérance qu'on a vue au début du chapitre, espérance vivante, inaltérable, verset 14 à 16, soyez saints. Ça, c'est les deux points qu'on va voir. Mais il continue, verset 17 à 21, vivez en révérant Dieu ou en craignant Dieu. Il continue, verset 22 à 25, aimez-vous donc ardemment. Les mots sont très forts. Chapitre 2, versets 1 à 3, désirer la croissance spirituelle, ça on se rappelle de ces versets, le lait. Et 4 à 10, former un temple pour Dieu. Donc ça c'est un peu la section qui continue. Nous on verra les deux premiers points. Ça va. Alors quand on lit les deux premiers versets, on voit que, de nouveau, on reparle du salut. On vient de le quitter hein, dans les derniers versets. Mais il continue. Ce salut merveilleux a fait l'objet de recherches attentives des prophètes. Alors, quand il est marqué prophète, vous pouvez comprendre les auteurs de l'Ancien Testament. Et on voit même que les anges sont en recherche ou sont en admiration face au salut. C'est pas nouveau, il y a plein d'autres textes qui le disent. Mais c'est rigolo de trouver cela. Hébreux 1, verset 14. En effet, que sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions envoyés au service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Voilà. Ils sont à l'œuvre pour Dieu. Mais ils ne connaissent pas forcément tout le plan de Dieu et les mystères. Donc voilà. C'est un salut qui est incroyable pour eux. Alors, comment plus pour nous? Et on a vu hein, dimanche dernier tout ce qui lui est attaché. Je me suis aussi posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a ces deux versets? Quelle est l'importance? Pourquoi est-ce qu'il cite ça, l'Ancien Testament? Pourquoi est-ce que dans la Bible, même dans l'Évangile, Jésus cite beaucoup l'Ancien Testament? Je me suis posé la question, quelle est la raison fondamentale de l'Ancien Testament? Ben, on la connaît, il l'oriente vers Christ. Il prépare nos cœurs à recevoir l'Évangile. On conseille souvent aux jeunes convertis de lire le Nouveau Testament en premier, voire même l'Évangile. Je ne suis pas contre ça. Mais ce n'est pas ce que fait Jésus. Écoutez. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc vous allez me dire, là il parlait à des Juifs. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, oui, forcément. Mais comment ils ont fait les premiers chrétiens alors? Il oriente vers Christ, l'Ancien Testament. Jésus, c'est le point central du Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, le point central, c'est le Messie. Ça converge tout vers là. Donc on y est aussi. Si on a seulement le livre de l'Ancien Testament, on peut dire, si on n'a que le livre de l'Ancien Testament, il est incomplet, il manque quelque chose. Mais le livre de l'Ancien Testament, il est indispensable. Il est indispensable pour nous faire grandir vers la maturité en Christ. Si on veut commencer dans notre vie chrétienne en lisant Romains 6 à 8, parce qu'on nous dit que ça c'est le qu'il faut comprendre pour trouver notre identité, pour savoir, on n'est pas préparé. Hein. Même si on lit Romains 1, 2, 3 jusqu'à 6 à 8, comment savoir si on est pécheur? Lisez un peu l'Ancien Testament. Et si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes pécheur, après Lévitique, Nombre, le peuple d'Israël, bon alors là, il y a une bonne préparation. Comprenez ce que je veux dire? Donc l'Ancien Testament prépare nos cœurs à recevoir la bonne nouvelle du Nouveau Testament. Si vous voulez mieux saisir qui est Jésus, on a dit lisez Marc, il n'y a pas longtemps. Alors je vous dis aussi, lisez aussi l'Ancien Testament. Ça va? Ok. Acte 3, versets 18 à 26. Vous pouvez le relire si vous y pensez. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète, comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ce jour-là. « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Je pense que ce texte nous aide. Hein. Vous avez remarqué, celui qui n'écoutera pas ses prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est Jésus. Hein. Si on ne croit pas l'Évangile, si on ne croit pas en Jésus, on est mort. Hein. C'est la mort spirituelle. Je crois que c'est le même sens. Ça va? Je ne m'attarde pas trop sur ces deux premiers versets, parce qu'on pourrait en faire beaucoup. Mais pour moi, c'est la continuité de ce qu'on a vu dimanche passé. Et on arrive, je vais en reparler un petit peu, mais on arrive ici à ces versets 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une pleine espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Christ apparaîtra. Jésus-Christ apparaîtra. De nouveau encore le salut dans la grâce qui vous sera apportée. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que l'expérience du salut est si importante? Je me souviens plus si Philippe en a déjà parlé dimanche dernier, on en a déjà sûrement parlé un peu. Pourquoi est-ce que le fait d'expérimenter le salut, c'est si important? On peut les voir dans le début du chapitre 1. Je me suis demandé, est-ce que c'est parce que ça nous donne la certitude d'avoir la vie éternelle avec Dieu après notre mort? Ça, c'est la réponse qu'on pourrait donner tout de suite. Voilà, c'est important parce qu'on a la vie éternelle. Petite anecdote, lorsque j'étais enfant et même adolescent, moi j'aimais bien entendre les chrétiens donner leur témoignage. Maintenant encore, je vous rassure. Ce qui revenait souvent, c'était « Le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai rencontré Jésus-Christ. » Et ça me travaillait. J'étais déjà chrétien, mais je n'avais pas été, comme certaines conversions, bouleversées ou alors connu une grosse émotion. Ou alors des fois, on entend des témoignages où vraiment, oh là là, les portes du ciel sont ouvertes, mon âme était remplie de lumière. Non, pas moi. J'ai eu plusieurs moments dans ma jeunesse où Dieu a répondu, où j'ai répondu à l'appel de Dieu. Dieu m'a convoqué, je devais prendre des décisions. Ça allait changer des choses importantes dans ma vie. Plusieurs fois, j'ai répondu à son appel dans la prière. Mais au fond de moi-même, je me demandais, est-ce que je peux considérer ces expériences-là comme ces décisions-là, comme les moments les plus importants de ma vie? Moi, ça a été progressif, ma conversion, pas un jour donné. Et je me suis posé cette question, parce que quand j'entendais les gens qui disaient ça, c'était souvent pas des jeunes convertis qui disaient ça, c'est des gens plus âgés. Je me posais la question, mais... Et avec le recul, aujourd'hui, mais depuis même déjà quelques années, avec le recul, quand on me demande de raconter mon témoignage, il n'y a plus aucun doute. Et bien sûr, c'est les décisions et les expériences les plus importantes de toute ma vie. Toute la suite de ma vie en a été influencée après ma conversion. Donc je répète, pourquoi est-ce que l'expérience de la nouvelle naissance est si importante? Est-ce que c'est parce que j'ai eu la vie éternelle? Non. Pourquoi? C'est parce que quand je me suis converti, j'ai eu une espérance vivante qui va me suivre toute ma vie. Et c'est ça qui change. Quand je me suis converti, j'ai eu l'espérance vivante, pas seulement que quand je serai mort, je serai au ciel, mais qu'aujourd'hui, je peux vivre avec cette espérance. C'est ça qui me donne la force de vivre. C'est l'école de l'espérance. C'est le message fort du début du chapitre, peut-être d'un Pierre, je ne sais pas. Une espérance vivante, il dit. Alors nous, on a une pleine espérance, une entière espérance. C'est une espérance pour toute notre vie. Ce n'est pas juste pour les dernières années de notre vie. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Cette espérance qui me donne la force de vivre aujourd'hui, malgré la souffrance, on a parlé de la joie, ça paraît contradictoire, mais du message de Philippe, c'était très clair. Si vous voulez revoir, c'est dans le verset 3. Hein. Régénérer pour une espérance vivante, c'est ça que je rappelle depuis tout à l'heure. Une entière espérance. Je vais aussi m'arrêter un tout petit peu sur le... Ah, je l'ai pas mis là. Sur les deux premiers mots, qui étaient assez énigmatiques pour moi, ou en tout cas difficiles. C'est pourquoi. Parce que quand il y a deux mots comme ça, qui sont placés, ça veut dire quelque chose, et ça m'a fait beaucoup travailler, parce qu'il ne parle pas que des deux versets qui étaient avant, hein, sûrement pas. Il parle de tout ce qu'il y avait avant. Ça résume un peu tout ce qu'il y a avant le verset 13. Dieu nous prépare un salut et un héritage formidable, une espérance vivante. Si vous regardez verset 6, verset 7, il nous fait passer par des souffrances et des épreuves pour éprouver notre foi en vue de la sainteté. Sainteté, on verra après. C'est le thème, c'est le contexte, vous vous rappelez, Néron. Certains sont vraiment dans la souffrance, dans la persécution très forte. D'autres vont y arriver, ça dépend peut-être le coin. On va y revenir tout à l'heure. Saignez les reins de votre entendement. Ceindre les reins, vous avez compris ça. C'est mettre une ceinture autour des reins. Et à l'époque, on avait une tunique. Donc pour travailler, pour marcher, pour être prêt, il fallait remonter les pans et mettre la ceinture pour pas être gêné avec le pli de la tunique. Et donc là, il faut quoi? Il faut être prêt, il faut ceindre les reins de notre entendement, alors de notre esprit. Si vous regardez Parole Vivante, affermir nos pensées pour être prêt à agir. Je crois que ça se passe là-haut, notre entendement, nos pensées. Si elles sont fixées sur le but, sur Christ, sur notre espérance, alors mes actions vont être en conséquence. Ça, on l'a vu aussi un peu dimanche dernier. Toutes les pensées ou les tentations de ce monde vont pâlir si mon esprit n'est plus encombré par les choses du monde, mais par Christ. On est d'accord? Quand je teins mon esprit, mon entendement, alors je suis prêt. On peut dire le projet, le progrès spirituel dans ma vie, il peut s'enclencher. On est d'accord? Prenez Abraham. Abraham avait les yeux fixés sur la cité céleste. Et regardez Lot. Lot a été attiré par les vallées verdoyantes et prospères de Sodome et Gomorrhe. Deux pensées différentes, deux résultats différents. Saignez les reins de votre entendement, soyez sobre. Je décortique un peu, mais ça fait un tout, hein, j'y reviens juste après. Soyez vigilants, on trouve aussi. C'est aussi le fait de se contrôler. Paul dit aussi, dans un épître, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc c'est la même idée. Et aussi, on a cette idée quand vous regardez le verset 14. Ne vous conformez pas aux convoitises. Ça, on connaît ce verset. Hein. C'est un autre verset qui dit ne vous laissez pas modeler, ne vous laissez pas modeler par le monde. Ne vous conformez pas. Donc c'est la même idée. Si nous ne pouvons pas voir la grâce, sinon, on ne peut pas voir la grâce de Dieu agir dans nos vies. La grâce nous sera apportée. Oui. Parce que là, on voit la grâce qui vous sera apportée, mais c'est plus tard. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Non, bien sûr. Elle est déjà là, jour après jour. Donc la grâce de Dieu peut déjà être notre quotidien. Mais il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vigilant parce que il faut y demeurer. Dès que je quitte, dès que je ne suis plus en Christ, alors il y a plein de versets qui disent on est ennemi de Dieu, hein, si on aime le monde. Si toutes les choses du monde sont dans notre tête, si on est fixé sur autre chose que Christ, alors on ne progresse pas. Alors je voudrais revenir sur le fait que Dieu nous fait passer par des souffrances et des épreuves. C'est pourquoi? Pour éprouver notre foi en vue de la sainteté. Si je suis chrétien, je sais que l'épreuve est voulue par Dieu et que la meilleure façon de l'affronter, c'est de m'y préparer. Vous avez déjà pensé à ça? Comment être préparé à l'épreuve? Est-ce qu'on y est? En étant attaché à Christ, bien sûr. C'est évident. En ayant une entière espérance. C'est la même idée. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, c'est la même expression. Vivre dans l'espérance. Courtement, dans ma vie chrétienne, j'ai déjà remarqué deux types de réactions. Des chrétiens face aux souffrances et aux épreuves. J'ai essayé de me souvenir, et puis de moi-même aussi. La moins courante, c'est le cas dans ma vie, mais je l'ai remarqué, c'est la quand on accepte la situation rapidement, sans cacher la souffrance, on veut l'affronter. Mais au contraire, on s'abandonne à Dieu, et je dirais même très vite, on témoigne de ça. Ça ressort tout de suite que on peut déjà rayonner. Je me souviens d'un exemple frappant d'une famille qui a vécu un drame terrible. Et dans la semaine, ils ont demandé à l'église, voilà, on aimerait se voir l'après-midi pour partager ça. Alors, moi, je partais en colo la semaine d'après, je me suis dit, bon, je connaissais beaucoup, je suis allé, et je me suis dit, mais j'aimerais les encourager. J'avais préparé peut-être quelque chose, je ne me souviens plus. Mais voilà, je suis là pour eux, il faut prier pour eux, pleurer avec eux. Je ne savais pas quoi faire. Et quand j'étais sur place, j'ai pris, en fait, quand je suis rentré sur, j'ai pris une claque phénoménale. C'est que j'ai pu rien dire parce que c'est eux qui m'ont apporté. C'était pas normal. J'étais époustouflé. Je pense que c'est devoir encourager quelqu'un, relever quelqu'un, aider quelqu'un. Et c'est elle qui m'a encouragé. C'est elle qui m'a. Son attachement à Dieu m'a complètement soufflé. Et voilà. La deuxième réaction, c'est plutôt que j'ai du mal à accepter la situation. Aussi venant de Dieu, parce que Dieu est contrôle. Et je ne le partage pas toujours. Je suis plutôt découragé au début et abattu avant d'être après en bénédiction pour les autres. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, Dieu tire gloire de toutes choses. Donc, en aboutissement, de toute façon, ça rendra la gloire à Dieu. Et je serai en bénédiction pour les autres. Voilà, c'était une pensée sur ça. Et je crois qu'il rebondit là-dessus, Pierre. Voilà. Si vous prenez le temps chez vous, prenez ce texte-là, ça parle de l'épreuve. Très bien. Les versets, il n'y a pas tous les versets, hein, le passage c'est 4 à 17. Donc je cite seulement les versets qui m'intéressent. Verset 5, vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas parce qu'il te reprend. Verset 7. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. Verset 11. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont été ainsi formés, une vie juste, vécue dans la paix. Verset 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et mener une vie de plus en plus sainte. Verset 16. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes. Je les ai tirés. Donc voilà. Bien que l'épreuve soit difficile, quand elle survient, finalement, elle ne doit pas forcément me surprendre. On n'est pas surpris, on sait que voilà, Dieu nous travaille. Si nous sommes en Christ, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, bon, c'est peut-être facile à dire tout ça, mais c'est notre espérance qui nous tient. Ça, c'est clair. Quelle est la bonne attitude? En tout cas, j'ai trouvé dans ce texte-là, ne pas prendre à la légère l'épreuve, ne pas se décourager. Supporter la leçon, ça c'est verset 7. Quels sont les fruits? On a la paix, verset 11. On a la sainteté, verset 14. Et la séparation d'avec le mal, verset 16. Et ça c'est le thème que moi je vais développer parce que ça revient. La sainteté et la séparation d'avec le mal. Ah, je me suis... ouais. C'est pas 15 et 16, c'est 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Comme des enfants obéissants. Intéressant. Qu'est-ce qu'il disait ce. Oui, les enfants sont. Est-ce que les enfants sont toujours obéissants? Est-ce qu'ils sont plus prompts à être obéissants? Alors, pourquoi est-ce qu'il utilise ça? Pourquoi est-ce qu'il utilise ce terme? Le chrétien qui vit avec une pleine espérance sera bien plus enclin à obéir que celui qui a une vague idée du retour du Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Si on a les yeux fixés sur là-haut, alors, quand on a des choses difficiles où il faut passer, on dit Seigneur, je ne sais pas, mais je vois, je suis prêt. L'argument est logique. Les enfants font partie de la même nature que leurs parents. Vous êtes d'accord? Alors la conséquence après, Dieu notre Père est saint. Nous sommes donc appelés à être saints. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, c'est un verset qui dit dans une partie, nous rendre conformes à sa nature divine. Nous rendre conformes à sa nature divine. C'est la même idée dans la lettre d'avant. Être saint. C'est la marque distinctive du chrétien. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le mot saint? Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un qui a été trempé dans du vinaigre? À quelqu'un qui a un vocabulaire religieux, évangélique, qui ne dit jamais des choses inutiles? Qu'est-ce que ça veut dire saint? Qu'est-ce que la Bible donne comme sens au terme saint? J'ai trouvé Ray Stedman. Donc je cite, certes, vous ne pouvez pas dire d'une personne au visage pincé ou amer qu'elle est magnifique en sainteté. Une personne vraiment sainte a une personnalité belle et attrayante. Fondamentalement, le mot sainteté indique qu'une personne ou une chose est entière, complète. Les gens saints sont entièrement consacrés à Dieu, ardemment désireux d'aimer et d'accepter autrui et de lui pardonner. Ils s'efforcent de vivre de façon droite et rayonnante. Elles ont un langage saint et leur vie reflète leurs paroles. Il n'y a pas en elles de contradiction entre dire et faire. Elles ne sont pas tiraillées, elles sont détendues et paisibles. Elles sont bien dans leur peau, toujours contentes, parce que leur confiance repose en Dieu. Et je trouve que c'est les mots les plus importants à la fin. Ben, c'est des gens saints. On tend vers ça. Hein? D'ailleurs, quand il, j'ai pas tout mis, mais il dit, oh là là, on aime les gens comme ça. Non, c'est pas vrai. Une église remplie de gens comme ça, c'est merveilleux. Vous avez vu la fin? Parce que leur confiance repose en Dieu, en Christ. C'est le secret, hein? Comment être saint? Pierre nous rappelle ce que nous étions avant. Vous avez vu? Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance, avant, on se conformait aux convoitises. Esclaves du péché, on trouve aussi dans la Bible. Esclaves de nos convoitises. Et Dieu nous a appelés. Et ça, on l'a vu dans les versets qui précèdent. Il nous a appelés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Philippe dimanche dernier, il nous a parlé très clairement de ça. Il nous a élus, il nous a appelés avec l'exemple de Lazare. Quand il comparait ça à notre conversion, quand Jésus a dit à Lazare, sors! Je me rappelle, il m'a fait sursauter, j'ai crié très fort, sors! Et bien c'était ça. Tout a changé dans la vie. Ressuscité, il est sorti, vivant. Donc Dieu nous a appelés comme Lazare. Je ne vais pas crier. Il nous a élus. Et nous avons changé de nature, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Nous avons changé de nature, comme des enfants obéissants. Des enfants de qui? Des enfants de Dieu. On a changé de nature. Cette nouvelle nature, elle est séparée de l'autre. Et ces versets de la sainteté, c'est ce que ça veut dire aussi. Séparée, il y a plein de textes qui disent aussi dans l'Ancien Testament, séparée du peuple, mis à part, sanctifiée. La séparation entre le bien et le mal est évidente dans la vie du chrétien. Il souhaite faire le bien, et s'il demeure en Christ, il ne peut pas brancher. Donc cette nouvelle nature en Christ nous rend capables de vivre d'une manière sainte dans toute notre conduite. Vous avez vu? Dans toute notre conduite. Pas juste le dimanche matin. D'accord? Tout ce que nous ferons alors, n'importe quand, ça sera pour la gloire de Dieu. Manger, boire, regarder la télé, travailler, toute notre conduite est changée. Et même les non-chrétiens ne vont pas s'y tromper. Si vous voulez prendre conscience de l'importance de vivre d'une manière sainte dans toute votre conduite, alors lisez l'Ancien Testament, lisez Lévitique, lisez Nombre. Et les textes, finalement, c'est les textes qu'avaient les premiers chrétiens. Hein. Ils n'avaient pas l'Évangile, ils n'avaient pas les Épîtres comme nous. Hein. Ils avaient ces textes. Alors parfois, on a peur, on dit, oui, mais on ne peut pas les appliquer à la lettre. On va payer la dîme de la net, on va faire les trucs religieux. Mais c'est les textes qu'avaient les premiers chrétiens, alors comment ils faisaient? C'est les principes qui étaient importants. Quand c'est marqué, celui qui a péché, c'est marqué dans Lévitique, celui qui pêche volontairement contre la loi de Dieu, il devait être exclu et mis à mort, c'était très clair. Alors quel est le principe pour nous? Bah, c'est que si nous, on ne vit pas avec Christ, alors on est sur la voie de la mort, hein. C'est la mort spirituelle. Donc c'est des principes qui doivent nous aider à comprendre aussi ce texte. Si nous désobéissons volontairement à la parole de Dieu, alors on meurt, petit à petit, spirituellement, à moins de se repentir. Ça, c'était pas forcément le cas dans les Lévitiques. Des fois, ça va très vite. D'un coup, boum, allez, il y a 12 000 personnes en moins. Ouais. C'est le même Dieu, hein. Tous les principes pour mener une vie sainte sont écrits dans la Bible. À nous de la lire, c'est vrai, à nous de l'étudier, de la méditer, Josué 1, verset 8, de la méditer afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Alors le but, c'est pas simple, ça a été dit ce matin dans les chants, c'est pas simplement d'étudier la Bible et d'être un bon étudiant de la Bible et des textes. C'est de le connaître, ça a été dit ce matin, apprendre à connaître Dieu. Et je vous encourage à ça. Je pense qu'on essaie de vous encourager aussi à ça, en déchiffrant ces épîtres d'un Pierre, de travailler la parole. Alors, je conclue. Vous avez retenu tous les points? Quelle est la raison fondamentale de l'Ancien Testament? Il oriente vers Christ. Il prépare nos cœurs à recevoir l'Évangile. Pourquoi est-ce que l'expérience de notre conversion est si importante? Parce qu'elle nous donne une espérance vivante pour toute notre vie. C'est la grande différence avec ceux qui ont la parole de Dieu et que ça ne change rien dans leur vie. Qui ont peut-être qu'ils pensent avoir un ticket pour le ciel, mais qu'est-ce que ça change dans leur vie? Si nos pensées sont fixées sur le retour de Christ, alors nos actions vont être en conséquence. L'épreuve, bien qu'elle soit difficile quand elle survient, ne doit finalement pas nous surprendre, nous décourager ou nous abattre. Nous avons la grâce en Christ pour l'accepter, pour la supporter, sachant qu'elle produira des fruits à la gloire de Dieu. On a vu ces fruits aussi. Il y en a beaucoup, mais on a vu les deux premiers, la sainteté, l'espérance, une vie ancrée dans une pleine espérance. Comment obéir comme des enfants obéissants? Une vie ancrée dans une pleine espérance sera plus prompte à obéir. Et accrochez-vous à Christ, c'est notre nouvelle nature. C'est ça qui va nous faire obéir à Christ. Dieu nous a appelés, mis à part, notre nouvelle nature en Christ nous permet de vivre la sainteté. Si vous lisez dans Paroles Vivantes, le petit sous-titre, c'est marqué « Noblesse oblige ». Je me suis demandé au début qu'est-ce qu'il voulait raconter. C'est après, quand il a fait pourquoi, il reprend tous les versets qu'il y a avant et il dit, voilà, vous avez un salut magnifique, vous avez un grand héritage, noblesse oblige. Votre noblesse vous oblige à obéir à Christ. Appelé à être saint. Dieu nous a appelés et mis à part. Noblesse oblige. Le chrétien de sainteté, la vie chrétienne de sainteté est un poids énorme si j'oublie de lever les yeux vers Christ. Elle n'est pas réjouissante si je regarde seulement l'épreuve ou la souffrance. Mais si je tourne mon espérance vers Christ, le verset dans Parole Vivante, c'est tourner toute son espérance vers Christ. Si je vis aujourd'hui à la lumière de ce jour-là, je reprends les termes, si je vis, vous vous rappelez, aujourd'hui à la lumière de ce jour-là, ma tête déjà là-haut, alors une joie ineffable jaillit de mon être. Ce n'est pas naturel. Et même la souffrance devient, c'est Paul qui le dit, un sujet de joie complète. Bon. Pourquoi? C'est le moyen de glorifier Dieu. Voilà. J'en ai terminé. Je vous bénisse.